Deuxième partie, chapitre 41. Une odeur poignante de rose et de musc sort de la boue remuée par le piétinement des hommes. Le contremaître bourru donne des ordres. « Hardi, feignant, hardi, les gars !» Le tronc de bois de rose, lourd de 3 tonnes, halé par 20 forçats, est enfoui dans le marais et glisse sous 10 centimètres de vase. Arc-boutés à la cordelle, les bagnards geignent et tirent, nus et gluants. L'arbre odorant, blessé par les crochets qui l'entourent, saigne un abominable parfum de tubéreuse. Voici la crique et les canaux plats qui attendent le chargement. Les nègres Saramaka accroupis écoutent. Un ara hurle dans le ciel. Le soir est proche, on le voit venir à la pointe de la rivière. Des écharpes de brume flottent sur la haute futaie de la brousse. Et, tout à coup, comme un rideau de théâtre qui tombe, la nuit s'abat sur la forêt. Le vieux Saramaka, qui commande la flottille de pirogues, commence un récit. Il s'arrête. Les nègres approuvent par de courtes exclamations. Assises en cercle autour du feu, les femmes surveillent le poisson salé qui cuit. Elles peignent leurs négrillons ventrus et endormis. On a tué un hoko. Le chat-tigre est venu la nuit dernière. Il reviendra sans doute à cause des chiens. L'eau a été forte au seau. Le vieux chef récite, indifférent et précis, les événements du jour. Il faudra changer cette nuit la cachette du tafia, à cause des évadés. Un peu de vent traîne encore sur la rivière. Des bruits viennent du nord. Rumeurs d'oiseaux, grondements du marais où s'agitent les reptiles, soupirs de l'eau, soupirs qui précèdent le silence. Soudain, dans un vacarme de ferraille, avec des craquements de tonnerre, un arbre géant s'abat sur la rivière, entraînant dans sa chute le rideau d'arbres liés à lui par des lianes. Les arbres de la brousse ne meurent pas. Ils s'effondrent et se couchent en ouvrant dans la brousse la trouée sans laquelle les jeunes arbres ne vivraient pas. Une pirogue nous a dépassés, une pirogue avec des Indiens et une femme blanche. Les Indiens sont les maîtres de la rivière, ils ne s'arrêtent jamais, ils pagaient plus vite que nous. Les négresses, le geste suspendu, ont tourné la tête vers le vieux Saramaka. Les hommes, immobiles, regardent le sol, car voici le point attendu du récit du chef. Une femme blanche dans une pirogue d'Indien, cela ne s'est jamais vu. De l'ombre de la brousse sortent des formes étranges. Un fourmilier au museau allongé s'approche du feu. Puis un paque et une tortue géante viennent à leur tour dans la pénombre rouge du brasier. Une femme blanche, une femme blanche. Chapitre 42. Quelle étrange vie! Des crocodiles dans la boue fétide, des serpents qui glissent sur les lianes, des fleurs aux larges corolles tordues, enroulées sur elles-mêmes, collées à l'écorce des arbres, des pampres et des chevelures emmêlées de mousse géante. Des singes glissent brusquement sur un fil de liane, tombent des hauteurs prodigieuses du toit de la forêt et remontent d'un trait comme des balles élastiques. Un bourdonnement grave comme une voix humaine, le bouillonnement de la sève ardente, les souffles de la vie animale. On entend battre le cœur de la forêt. Une vie frémissante est là, étrange et invisible, comme la vie du monde intérieur de la mer. La mer est proche, son souffle ardent passe sur ce pullulement d'être. La jungle appartient à la mer qui lui impose sa loi. La mer, en découvrant cette terre, n'a rien perdu de ses droits. C'est elle qui la gouverne et la féconde. Chapitre 43. Sur le fleuve Maroni. Notre convoi de pirogues suit les méandres du fleuve. L'eau boueuse sent le marais. La rive basse est un désert de verdure. Les moukou-moukou, chargés d'oiseaux-mouches, font une barrière de roseaux à la brousse. Des lianes pendent, chargées d'orchidées. Quelques pois sucrés, en fleurs, font des taches blanches sur le rideau impénétrable qui cache la forêt voisine. Des aras écarlates traversent en hurlant la rivière. Les nègres saramaka, trapus et silencieux, pagaient à grand effort contre le courant. La caravane flottante glisse lentement. Au détour lointain, à l'horizon de l'allée ardente que trace le fleuve, le village hollandais d'Albina se tasse tout blanc, blotti dans une étroite clairière. Et là, au tournant, Saint-Laurent du Maroni, le bagne, avec ses appontements, ses cages grillagées, ses magasins et de grands cocotiers penchés sur le fleuve. Saint-Laurent du Maroni, des maisons blanches couvertes de tôles éclatantes sous le soleil comme des miroirs d'argent. Un sol de sable blanc, de la neige sous du feu, une orgie de lumière sur une oasis de verre mat. Les yeux éblouis cherchent pour s'y reposer les massifs verts des jardins épars et les lignes de la brousse noire qui encadrent à l'horizon cette fournaise blanche. En face, Albina, la bien nommée, si blanche dans la verdure du grand bois. La brousse, le long du fleuve, est une muraille tapissée de lianes, haute de 50 mètres, impénétrable à la lumière, et derrière laquelle commence la cathédrale de la jungle. Parfois la muraille s'abaisse quand le sol cède à la poussée de l'eau pour laisser voir le marais où les palétuviers enfoncent leurs racines géantes posées sur la boue comme des pilotis. Le fleuve coupé d'îles se divise en plusieurs bras. Nous suivons des couloirs étroits entre les murs énormes de la brousse. Le courant charrie des arbres morts. L'eau, jaunie par les boues déplacées et les matières végétales en décomposition, a une odeur de pourriture. Cependant, le soleil s'abat sur ces choses et les couvre de flammes. L'eau, la brousse et les hommes, immobiles sous la vapeur de fonte en ébullition qui tombe du ciel, attendent la divinité bienfaisante de la nuit, qui, seule, donne la vie et le sommeil. Des pirogues passent chargées d'indiens graves, dorés, orgueilleux. Des pirogues qui, seules, connaissent les chemins par où s'ouvre la brousse. Nous allons au fil de l'eau, très lentement, car nos barques sont lourdement chargées. Une jeune indienne gouverne ma pirogue. Assise à l'arrière, les jarrets tendus sur le banc qui soutient son effort, elle tire des deux mains sur la pagaie verticale dont elle a fait son gouvernail. Elle est nue, les seins dressés, la peau cuivrée et luisante, et des yeux admirables dans un visage dont l'effort ne durcit pas les lignes délicates. C'est Lily, l'enfant peau rouge, qui s'est donné à notre caravane. Chapitre 44. Quel est ce présage? Dit le vieux chef Saramaka. Une femme blanche sur la rivière. Crois-tu qu'elle vienne de la côte? C'est la mer qui apporte les esprits, le vent et la pluie. Tout vient de la mer. Accroupi au bord de l'eau, le vieux Saramaka monologue et radote dans la nuit. Du fleuve, ouvert devant nous, on ne voit rien qu'une ombre large et mouvante. Le silence humide du soir endort les choses. Puis, soudain, la nuit profonde. Et cet homme qui s'agite et trouble le merveilleux mystère de l'ombre. Comme autrefois la voix du bateau, une voix monte qui récite dans la nuit. Le vieux Saramaka connaît tous les hommes, toutes les bêtes, toutes les plantes de la forêt. Aucune trace dans la brousse, aucun sillage de pirogue sur la rivière ne peut expliquer cela. Jamais aucune femme blanche n'est venue dans la jungle. Le vent qui porte son odeur et la terre qui a marqué la trace de ses pas ne savent rien. Mais la mer, de qui viennent tous les hommes et toutes les choses, la mer, à qui la forêt obéit, connaît ce prodige. La pluie s'abat soudain sur nous, comme si la voûte du ciel s'ouvrait. La voix du vieux nègre se perd dans le brouhaha du torrent déchaîné. Chapitre 45. Un jardin clos, des roses, des allées, des roses et de longs canaux étroits où dorment des nénuphars. Le soir humide met de la brume à fleur de terre sur les pelouses. Un homme presque nu, tatoué et sale, courbé sous une charge d'herbe de para, s'appuie pour prendre haleine au mur où grimpent les roses et repart geignant, traînant au ras du sol sa faucille. Puis encore un homme, puis encore des hommes pliés sous le faix et laissant derrière eux de lourdes senteurs de fleurs et d'herbes vertes. Puis le surveillant militaire, traînard et les yeux là. Les forçats doublent l'allée de bambous. Leur passage n'a pas troublé le silence. Leur pas lent n'a pas laissé de traces sur le sable blanc. Entre les tapis au vert ardent des pelouses, le sable garde son éclat d'argent sous le soir qui descend. Tout l'estuaire du Maroni est fait de ce quartz broyé qui met des chemins de sucre autour du bagne. Mais une voix d'enfant chante, et c'est la nuit, immobile, odorante, lourde, la nuit des tropiques qui s'abat sur la terre. Une sonnerie de clairons annonce que l'on ferme les cages de fer et de ciment où sont parqués les forçats. Là, derrière ce mur, tapissé de roses rouges de la France. « chapitre 46. Tu as un fusil et tu ne tues rien. As-tu peur du gibier? Il faut baisser la tête pour descendre, sous la voûte de la brousse, la rampe glissante qui conduit aux dégrades. Il fait frais. Des perroquets hurlent dans le ciel invisible. Lily est nue. Ses jeunes seins ont la couleur dorée des fruits de son pays. Elle s'assoit à l'avant de la pirogue. À coups réguliers et vigoureux, la pagaie frappe l'eau et nous pousse dans le courant si vite que les arbres courent le long de la rive. Elle chante. C'est un chant monotone et ridicule qu'elle compose et qui célèbre le matin, moi-même, et le retour prochain contre le courant. Nous doublons des radeaux de bois de rose qui descendent conduits par des noirs. Elle salue à grands cris ces hommes qu'elle ne connaît pas et qui nous souhaitent bon voyage quand nous sommes déjà hors de portée de la voix. Nous échouons sur un banc de sable. L'heure est torride. Lily se baigne. Elle s'étend dans la pénombre sur le sable ardent pour se sécher. Puis elle dresse notre repas au bord de l'eau, à l'ombre des feuilles géantes qui sont la marquise de la maison impénétrable de la forêt. Écœurante comme l'odeur des jasmins, l'odeur des bois de rose abattus sur le chantier voisin nous vient à chaque poussée de vent. La terre en travaille sous le soleil de midi, crisse et gronde dans la profondeur de la brousse. Pour dormir, Lily a mis ses bras à mon cou. Mais les effluves de brasier qui remplissent l'air, et peut-être aussi ce jeune corps qui est lourd à mes bras, m'empêchent de dormir. Par-delà la frondaison, dans le clair-obscur de la forêt vierge, des images passent qui me serrent le cœur. L'image du bateau et d'une mer lointaine. Les saramacas arment les pirogues et s'agitent pour le départ. Les barques du convoi glissent d'affilée. Le vieux saramaca, notre chef, passe à son tour, donnant des conseils sur la route et monologuant. Avant la nuit, nous atteindrons le village Galibi, où se sont arrêtés les Indiens. Ainsi, nous verrons peut-être la barque de la femme blanche. Lily, enfant nu, Lily, indolente, éveille-toi, il est temps de partir. La route est longue, nous serons aux dégrades à la nuit. Chapitre 47. Au bord de la crique, sur le sable ardent, un cadavre déchiqueté fume sous le feu du soleil. Les saramacas, à genoux sur le sol, suivent la trace du tigre. Le forçat évadé a été surpris, agenouillé, buvant à la crique. Il a été attaqué de dos. Le corps semble avoir été écartelé. Il n'y a pourtant qu'une seule trace. Un seul tigre est passé. Les pirogues du convoi repartent sans qu'une parole soit échangée. Ce soir seulement, autour du feu, le chef fera le récit et les hommes commenteront le monologue du vieillard. Les pluies ont grossi la rivière. L'écorce tend sous l'effort des pagaies plates. Les barques avancent lentement, longeant la berge où le courant est moins violent, sous l'arc des lianes dont les filaments baignent dans l'eau. Dans la vase, à portée de la main, les crabes rouges courent de travers par bandes, se chevauchent et grouillent à reculons sur la proie rencontrée. La route est longue et monotone. Les chercheurs d'or qui descendent nous donnent des nouvelles du fond. On s'est battu au placé. des forçats évadés ont pillé le magasin d'hiver. Chapitre 48. Les palétuviers se dressent sur leurs énormes racines, enfoncées en faisceaux dans la vase. Les colonnes des arbres sont supportées par de monstrueux arcs-boutants entre lesquels nous avons accroché nos hamacs. Accroupies sur des bancs étroits, les négresses lissent sans hâte leurs cheveux et attendent l'heure où le chef reprendra le récit nocturne. Le vieux Saramaka excite l'émulation des canotiers. Est-il possible que nous ne puissions pas rejoindre la pirogue qui fuit devant nous? Ces Indiens sont de rudes ouvriers du fleuve, mais ils ne tiennent pas un effort soutenu pendant plusieurs jours, et nous les rejoindrons s'ils n'emploient pas quelques ruses. Les Saramakas sont habitués à la chasse à l'homme, car les pirogues rencontrées sur la route déplacée sont souvent chargées de forçats évadés. Les pénitenciers paient une forte prime pour les bagnards capturés en rivière. Mais ce n'est pas l'appât du gain qui trouble les pagayeurs noirs. Pour la première fois, la science du chef Saramaka est en défaut. Comme il tremble et s'agite, et quelle angoisse dans ses yeux! Chapitre 49. Le maté et la liqueur des Indiens, c'est la nourriture de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Elle est là, accroupie, l'Indienne aux yeux glauques, les seins penchés vers le feu. La lumière du soir passe entre les feuilles en voira et met des lames d'or dans l'ombre du carbé. Qu'est-ce que l'esprit? Tu chasses et tu sais trouver l'or sous la terre. Tu sais déjouer les embûches des autres blancs et même les embûches des hommes de ma tribu. Mais sans le maté, que serais-tu? Un homme secoué par la fièvre? Quand l'heure du maté est venue, l'esprit tremble et rit, l'esprit parle et la forêt lui répond. L'Indienne a versé à nouveau l'eau brûlante. Et, prenant à deux mains la tasse en terre cuite, elle boite et se grise. Sa peau dorée est moite, ses narines battent sur la tasse odorante. L'esprit, je ne sais pas ce que c'est, qu'importe. Accroupie, nue, les genoux rougis par la flamme, l'Indienne médite et regarde mes yeux. Ses lèvres fines tremblent. Lily est tourmentée du désir de savoir. Comme les siens n'ont pas de Dieu, elle ne sait rien du monde. Elle ne discerne ni le bien, ni le mal, ni la peur. Lily se couche dans le hamac qui se balance dans la lumière rouge du feu. Je ne vois plus que sa tête attentive et penchée. Quelques colonnes d'arbres géants apparaissent encore autour du carbé. Des souffles courent sur la trouée de la rivière. Et du fond mystérieux de la forêt, du lointain où jamais l'homme n'est allé, le silence vient et couvre de sommeil le toit peuplé de la forêt. Encore quelques cris. Un vautour stupide hurle à quelques branches mortes qui tombent. Le mont-bain, monstre de 60 mètres qui nous abrite, frémit au dernier vent et s'endort tout à coup, accablé par la nuit. Tes yeux brillent, tu ne parles pas, mais moi je suis comme un ara qui s'agite et qui crie. Les hommes de ma tribu s'irritent et se battent, ils palabrent. Et toi, pourquoi restes-tu immobile et silencieux? Pourtant, quand il y a des pas dans le tracé, tu armes ton fusil et tu es prête à tuer? les hommes blancs tuent sans parler. Je chante, mais tu n'entends pas. C'est un chant qui est au fond de mon cœur. Écoute. Les deux bras à mon cou, Lily a mis sa joue ardente sur mon épaule et pleure. Et toi, tu ne parles pas. Un pack, carapassonné d'écailles et hideux, est venu, attiré par le feu. Il rôde à pas menus, flairant la braise, fait le tour du brasier et s'enfuit. Un chat-tigre passe en tempête. Au loin, son hurlement de chasse a troublé la nuit divine. Chapitre 50. Quelle est cette ruse ? Dit le vieux Saramaka. Nous avons perdu la trace de la pirogue. Les Indiens n'ont pas carbété ici. Les yeux des négresses et des canotiers Saramaka se sont remplis de mystère. Inaccoutumés aux efforts de l'esprit, les pagayeurs entourent le chef et, avec vivacité, le questionnent. Qui pourrait être surpris de ce prodige? Les Indiens entendent le langage des bêtes. Le vent et le fleuve leur obéissent. Le propre des Indiens est de disparaître tout à coup, comme des fantômes de brume au tournant de la rivière. Nous avons perdu leurs traces. Ils sont peut-être cachés derrière des lianes. Et cette femme blanche n'est peut-être qu'une ombite venue de la mer qui les cache et les protège. Chapitre 51. La voix de la mer. Des souffles chauds venus du large couvrent le pullulement bruyant de la forêt. Avec la marée monte l'âme puissante de la mer. La jungle attentive se tait. Des hérons rouges, tristes et graves, se tiennent huchés sur une patte au bord de l'eau. Le marais, chargé de magnolia, s'étend, plaine immense, vers les gradins où s'étagent les cocotiers chevelus et les bambous géants. La brousse ondule et crisse comme les vagues vertes de l'Atlantique. Lily, couchée sur la berge, accueillit pour boire une feuille de lotus. La feuille de lotus est chargée d'oubli. L'eau qu'on boit avec elle emporte le passé. Le vent est humide et salé. Il porte vers les hauteurs de la forêt les voix de la mer qui sont la loi et l'âme même de la jungle. Ainsi, la mer, qui porte la mousson et l'eau bienfaisante, régit les saisons, crée la vie et la mort. L'oubli, pourquoi restes-tu silencieux et triste comme un héron stupide? Lily a mis ses yeux dorés si près de mes yeux que je ferme les paupières pour ne pas crier. Lily, enfant sauvage, crois-tu que tu liras en moi l'image obscure? Tu n'es pour moi qu'un jouet fragile et passager, comme les nénuphars piqués dans tes cheveux. Lily, ne trouble pas la voix du vent. La mer est là qui nous parle. Mais Lily, déjà indifférente, secoue ses cheveux lisses sur ses épaules et part d'un trait à la poursuite des colibris. Chapitre 52. Encore un soir humide chargé de brume. La brume froide qui pénètre et enveloppe le corps comme un linge mouillé. Les Saramaka en cercle, accroupis sur de petits bancs, attendent le repas qui cuit. L'humidité gluante nous apporte la fièvre. peut-être aussi cette rencontre, cette pirogue d'Indien et cette femme seule dans cette barque. Les zombites n'ont pas de corps, ils marchent sur l'eau. Ce sont des esprits et des dieux. Le brasier s'éteint. Les femmes, attentives aux paroles du vieux nègre, frissonnent au bruissement des lianes. Les zombites prennent des formes humaines. Les Indiens seuls comprennent leur langage. La pirogue n'est qu'à deux pointes d'ici. Les Indiens ont carbété au camp des forçats. Demain, nous verrons leurs traces. Une dernière branche s'allume au brasier défaillant. La lueur n'a point dissipé l'ombre. Des hommes accroupis, on ne distingue que les dents découvertes par le mouvement des lèvres et les yeux peureux, points blancs dans l'ombre tragique. Les douleurs de la fièvre, le froid qui serre les articulations à crier, une migraine aiguë, puis les hallucinations et les cris dans la nuit. Les Indiens! Les Indiens et cette femme seule dans la pirogue. Chapitre 53. Entre les bardeaux à claire-voie, chargés de glycine, passent des lames de lumière. Dans la pénombre dorée, Lily est couchée, à plat ventre, soutenant sur ses coudes dressés sa tête de jeune sphinx. Ces nègres sont des chasseurs stupides. Ils sont plus bruyants que des loutres dans la rivière. Ils sont plus lourds que des paquiras dans la brousse. Ils gémissent et crient. Ils brouillent les traces. Et toi, tu restes là? Crois-tu que pour chasser cette femme blanche, les nègres sauront suivre la trace des Indiens? Ils ne connaissent pas les odeurs que porte le vent. Ils ne savent pas lire l'écriture des pas sur la terre humide. Ils se perdent sous la voûte obscure de la forêt, comme les chiens. Lève-toi, prends ton fusil, suis-moi. Pourquoi restes-tu silencieux? Quelle peur te retient? Quel orgueil et quelle souplesse dans ce corps dressé soudain. Mimant sa prière, onduleuse et féline, Lily tend les bras, se plie, bande les reins. La passion de la chasse met des lueurs fauves dans ses prunelles. Elle connaît les secrets des chemins compliqués que suivent les Indiens sur la rivière. Elle sait que pour se terrer à l'affût, il faut se mettre sous le vent. Elle sait qu'il faut mêler ses traces et son odeur à celle des fauves. Deux jours et deux nuits de chasse, tu tiendras à la portée de ton fusil la pirogue que ces nègres poursuivent. Sur le seuil de la porte, elle se retourne encore, regarde longuement, hésitante. Et, cueillant au passage une poignée de glycine, elle part, d'un trait, dans le soleil. Chapitre 54. L'ouragan secoue la toiture de la forêt. De la charpente de la jungle tombent des branches plus lourdes que des chênes. Un géant déraciné entraîne dans sa chute des centaines d'arbres liés à lui par des lianes. Une bande de pécaris s'enfuit, affolée, brisant au passage les sluices de la crique. Les mineurs tirent sur le troupeau en désordre. À bout de munitions, les noirs abattent au sabre les porcs sauvages. La rivière est rouge de sang. Indifférents au vacarme de la forêt, les créoles grillent et boucanent les quartiers de viande sur des grilles de bois improvisés. « Qu'est-ce que le vent ?» dit Lily. Lily, terrorisée, et blottie en boule dans son hamac. Le vent, si rare dans la forêt, est une divinité mystérieuse. Toi qui commandes aux hommes, toi qui armes les pirogues, toi qui tues, commande au vent, dis-lui de ne pas nous combattre. Le vent souffle et siffle, hurle, crie et grince dans les arbres. Et cela dure des heures, et toute la nuit, et encore un jour, et encore une nuit. Chapitre 55. Les pirogues sont restées ce matin amarrées au palétuvier. Les saramacas dorment dans des hamacs. Le vieux chef est venu me dire sa volonté d'interrompre le voyage. Je connais le motif de cet arrêt. Les saramacas ne veulent plus voyager avec Lily. Peut-on s'aventurer plus avant dans la brousse avec cette fille qui connaît les secrets des Indiens? Lily assiste, indifférente et orgueilleuse, à la grève des pagayeurs. Qu'importe, dit-elle, je conduirai ta pirogue, mais tu peux t'en aller avec ces hommes, je redescendrai seule le fleuve. Choisis, tu es le maître. Cependant, j'ai décidé le chef saramaca à partir pour le pénitencier qui n'est plus qu'à une journée. Nous nous y reposerons quelques jours, et, si telle est la volonté du vieux chef, nous y laisserons Lily jusqu'au retour. Chapitre 56. Le camp des forçats est une ancienne habitation abandonnée par les colons au temps de l'affranchissement des esclaves. Les cacaoyers ont résisté à l'envahissement de la brousse. Voici un verger de sapotillers et, sur le coteau qui descend à la rivière, un champ d'orangers. Les ramiers importés de France qui piaillent et volent par bandes en cercle au-dessus des vergers sont les seuls êtres qui rappellent les premiers habitants de cette terre. C'est le camp des incorrigibles, ils gardent les plus dangereux forçats. Comme nous arrivons, exténués par la lutte contre le courant, le soir nous surprend trop vite pour que nous puissions faire nos préparatifs pour la nuit. Nous coucherons dans les canaux, sur les bâches qui couvrent nos vivres. Le clair de lune illumine le toit de la forêt, coupé à angle vif par le tournant de la rivière. Le ciel des tropiques, est sur nos têtes, à une hauteur de vertige. Le ciel de France, semé d'étoiles familières et proches, est, ici, rejeté à de prodigieux lointains. Les pirogues, au clair de lune, ressemblent à des bêtes attachées, accroupies et qui dorment. La jungle bruit et s'agite, des bêtes en amour et des fauves qui chassent. Des parfums d'orangers en fleurs courent sur le fleuve, dans les soupirs lents et réguliers du vent. L'air est lourd et chaud. Soudain, le vent, qui descend la rivière, passe chargé d'une musique lointaine. C'est un chant de Noël ancien. On ne distingue que les paroles du refrain repris en chœur. Les forçats, dans leurs cages aux grillages de fer, chantent Noël. Ainsi, autrefois, les colons, libres et heureux, chantaient par des soirs semblables la Noël torride. C'est Noël. La lune descend sur la forêt qui s'assoupit. La lumière livide de cette nuit tropicale s'éteint. Les ombres des lianes s'allongent démesurément sur l'eau chatoyante où la lune trace ses derniers chemins d'argent. Le vent trouble seul le silence. Il vient à pas lents et large et onduleux, chassant devant lui les vapeurs du soir. Le vent est frais. Il traîne dans sa chevelure de brume de nouveaux parfums qu'il n'a point pris dans les champs d'orangers et qui sont les parfums de la forêt équatoriale, des parfums de santal, de bois de rose et de cèdre. Seul sur mon canot, j'attends sous les étoiles le sommeil qui descend. La pirogue, comme un berceau, se balance. Les hallucinations de la nuit flottent sur la rivière. Le bagne. Des hommes nus, attelés à la cordelle, tirent dans la boue les bois monstrueux. Des cris me réveillent. Ce sont des appels aigus. Des hurlements de loutres qui bondissent sur l'eau. Des sifflements de chat-tigre. Le sommeil me berce en vain. Voici que le vent s'arrête et m'enveloppe à nouveau des parfums de la jungle. Mais ce sont des parfums de femmes, et la forêt et le vent me rappellent qu'elle est passée. Forêt, tabernacle qui contient toute la vie, forêt qui connaît le secret, elle est passée, et je sais que ta robe a gardé son odeur. »